Mais okay. Et Despina peut pas y aller avec eux. Ok, on va à l'ONEM, le micro sera caché. Je sais pas, pour causer, enfin, ou alors on va voir si on a bien avec. On sait rien d'éviter que Kevin se prend par l'intérieur. Ah oui, oui. Parce qu'il cause, lui. Lui, il doit de tenir le crachoir en mode n'importe comment. C'est qui le nom de l'administrateur? Tu rentres avec nous? Ouais, je pense qu'il faut être plus discret avec les enregistreurs parce que tu vois tout de suite. Voilà, les caméras, je suis pas sûr. Comme ça dans ma veste. Ouais, les caméras, je suis pas sûr. Et du coup, je demande à Despina si. Un prénom classique ancien, vous avez. Mais tu, je t'ai jamais dit mon prénom. Si à l'époque des Andinés, on s'est rencontrés. Ah, bon, cela dit, je vais essayer d'enregistrer l'intérieur de la réunion avec mon enregistreur. Si ça t'intéresse, je balancerai sur un site archive.net. À mon avis, que, on va dire CPS et la date. CPS Bruxelles et la date, comme l'on fait. J'essaye de faire ça 3 heures après la fin de la manif. Tu l'auras pour ce soir. Hein. Le temps de plus. Ouais, ce sera déjà. Ok, mais c'est aussi si tu as besoin d'archives ou de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le pas que tu fais pas le soir, toi. Putain, bonne mémoire. Oui. Oui, oui. C'est comme ça que j'ai réussi toutes mes études en étudiant juste la veille au soir. C'est comme ça que j'ai réussi toutes mes études en étudiant la veille au soir. Mémoire photographique. On aime prévoir, enfin, mesure, je pense qu'ils évaluent à 30 000 exclusions de la catégorie insertion. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Quoi. Pour exclure, ça, on peut leur faire confiance. Ça, ils savent qu'on peut ce genre de choses. Bon, alors, ben, on va essayer de faire un petit coup marrant ici. Et on demande à l'administrateur général de l'ONEM de signer un communiqué de presse dont on sait qu'il est insignable. Et pourtant, il est purement factuel. Allons-y. Communiqué de presse de l'administrateur général de l'ONEM. Bruxelles, le 25 février 2015. Sollicité par différents groupes, collectifs et associations exigeant la fin de la limitation dans le temps des allocations d'insertion, je déclare que je ne conteste pas les éléments suivants. En décembre 2014, le nombre de chômeurs complets indemnisés, on s'est compris donc les bénéficiaires d'allocations d'insertion, atteignait, selon les comptes de nos services, le nombre de 425 390 pour l'ensemble du pays. Par ailleurs, selon les comptes des différents services régionaux de l'emploi, Forem, Actiris et VDAB, il y avait approximativement 40 000 offres d'emploi non satisfaites à la même date. Si toutes les offres d'emploi comptabilisées par ces services étaient satisfaites par des chômeurs complets indemnisés, et il y en a beaucoup d'autres aussi, il en resterait encore approximativement 380 000 sans emploi. Le rapport étant, selon ces chiffres, environ une offre pour 10 demandeuses ou demandeurs. Au vu de ces éléments, il est donc mathématiquement impossible que toutes les personnes bénéficiant d'allocations d'insertion, quelle que soit leur volonté de trouver un emploi, puissent échapper à la fin de droit que prévoit dorénavant l'article 63 paragraphe 2 de l'arrêté royal de novembre 1991 portant réglementation du chômage. Monsieur Georges Parlens, administrateur général de l'ONU. Signature. Voilà. Alors, on peut prendre le pari, hein. On va signer, on va pas signer. Allez, on va voir. Il accepte de nous recevoir. 5 personnes vont réfléchir. On va essayer d'être relativement bref. On a prévu de la musique. Que de devoir constater qu'à leur point, ils répètent la même chose. Ils organisent une table ronde pour les chômeurs les samedis ou le dimanche. Ils ont fait 2 ou 3 manifs en 2 ans ou en 3 ans. Et ils nous ont laissé accrocher une banderole sur la CGSP. Je ne sais pas si elle y est restée très longtemps. Et that's it. Et that's it. Oui, voilà. Donc il faut réussir à les coincer, mais je ne sais pas comment. Tant parce que je vais aller dedans. T'es en face, hein. Ouais. Ah, non, parce qu'on peut être que ça. Non, mais moi je vais pas aller. Moi je ne vais pas. Je garantis votre accès. C'est là-bas, hein, c'est ça. Ils vont refuser. C'est 5 à partir. Ouais, ouais, mais je fais partie des 5, c'est excellent. Monsieur n'est pas venu. On avait prévu 5. Non, non, mais ils viennent pas tous. Hein. Il n'y a pas tous. 1, 2, 3, 4 et 5. Monsieur, là, 5. Ça a un peu de graver, monsieur. Comment ? C'est de la presse, monsieur. C'est de la presse. Vous avez une carte de presse, monsieur ? Pas besoin d'une carte de presse, monsieur. Si vous dites que vous êtes la presse, moi, je vous demande la carte de presse. C'est ça, monsieur. Vous n'avez pas de la presse. Délégation de 5 personnes. Ok, ça va, d'accord. Merci. Ouais. Il faut quand même rester ici pour prendre des photos. 1, 2, 3, 4. Voilà. 5. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Fini 5. C'est ça, là. Bon, alors, reste, je ne sais pas, ils regardent. Ils filment, mais ils ne vont pas rentrer. Ah, ils ne vont pas ouvrir tant que tout le monde. Vous voulez qu'on demande à tout le monde de reculer, en fait. Voilà. On n'ouvre pas tant que tout le monde. Il y a 5 personnes qui peuvent rentrer. Il y a en face, c'est tout. Vous reculez un tout petit peu. Allons-y. 1, 2, 3. Un véhicule qui gêne la circulation. Il y a énormément de trafic qui est à cause de ce véhicule qui bloque un bus qui est sur la place. Que je peux déjà te passer la plaque éventuellement là. Et sur la place du tableau 20, vous voulez quatre. Et voilà. Pourquoi vous êtes là? Les chauffeurs viennent nous-mêmes et ils ont peur qu'on Ah, je veux bien un petit café. N'hésitez pas. Merci, c'est très aimable. Oui, voilà. C'est très gentil. Lorette n'aimait pas cette prévenance. Ah non, mais je vous en prie. Servez-vous, c'est pour On peut prendre les thermos après. Pour les copains qui sont devant. Ouais, ouais. Non, mais en fait. On évalue le truc. Ah, il n'y a pas de sucre. Un bon café. Ah ouais, un bon petit café, c'est super. En plus, il y a tous les autres qui attendent dehors. Il faudrait peut-être leur proposer du café, ceux qui sont dehors. On a un camarade qui n'est pas... Si les flics peuvent être trempés. Ok, là. Non. On va pas aller le café. Non, c'est pas grave. Si vous une version qui se met dedans, on va attacher sur la Non, c'est pas nécessaire. Moi je trouve que c'est la vie, quoi. On est dans la pluie pour venir le voir. Et fait que nos papiers sont un peu mouillés, bon, ça sèche les papiers. C'est pas très grave. Et s'il veut une version pas mouillée, bon, on enverra le texte par mail. Hein. Merci, monsieur. Non, je pense pas que je vais faire ça. Hein. Et demi. administrateur de l'ONEM. C'est là qu'il s'assoit. C'est là qu'il s'assoit. Un métier d'avenir, hein. Super. Toi, oui. Toi, non. Danse un peu pour voir. Non. Mais c'est ça le truc, tu vois, c'est qu'elle a plus ou moins foiré son campion, simplement parce qu'on l'a pas laissé sortir ses sens. On a une petite observatrice dans la pièce derrière. Ouais. Oui, c'est un petit peu. Oui, ils sont très gentils. Il était dans l'amphibie en fait. Vous avez vu les 5 keufs? C'était du 1 pour 1. Il y en a 5 qui rentrent, et au cas où ça se passe mal. Mais j'ai déjà eu ça la fois dernière, c'était drôle. C'était drôle, c'était, on était trois. Il y avait trois flics en civil. Hein, ouais, honneur. C'est bon. Ouais, c'est quoi le truc 15h30 Oui, c'est bon. Il voulait être combien sur de quoi 10. Et finalement, on est resté. Non, c'est 16h30, elle m'a dit. Anna. Où ça? C'était à la grande. Mais tu l'as amené là à quelle heure? À 15h? C'était moi, c'était sur le. Ah, tu l'as amené à 14h. Là, il est quelle heure? Ouais, c'est là pour le moment, je suis dans les trucs. Dans le directeur. Ouais, c'est 14h. Ouais, c'est ça. Moi, il m'a dit que ça commençait à 15h, cette histoire-là, tu vois. C'est pour ça que je me disais, ok, 16h30, c'est bon. J'avais jamais vu ça encore. Bon, s'il ne faut pas voter trop longtemps, moi je suis parti dans le palace. Mais tu leur as demandé aux femmes si ça se termine à 15h30 ou à 16h30? On va faire comme surprise. Ok, ça va, d'accord. Ok, bah ouais, si vous. Il y avait déjà plein de gosses aussi qui étaient là ou pas? Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu la lecture du communiqué de presse que nous en avions de voir signer. J'ai vu certains documents, mais. J'ai vu certains documents. Voilà, en fait, on a un exemplaire un peu. Donc, grosso modo, publiquement les chiffres que vous avez, donc à savoir qu'il y a 420 000 chômeurs complets indemnisés et que les offres proposées par les différents services régionaux de l'emploi, Forem, Actiris, VDAB, totalisent 40 000 offres. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre le nombre de demandeurs d'emploi. Et là, on ne compte que les demandeurs d'emploi complets indemnisés. Hein. On peut quand même se dire qu'il y a d'autres gens qui cherchent de l'emploi, même s'ils ne sont pas pris dans cette statistique-là. Et voilà, rien que cette statistique-là, c'est 10 chercheurs d'emploi pour une offre d'emploi. Oui. La conséquence est simple. Il y a pas assez de Et par conséquent, la mesure de limitation dans le temps des allocations d'insertion, légitimement se demander quel en est le motif. Mais ça, évidemment, vous avez vu, c'est pas... peut écrire. En fait, nous, la chose qu'on trouve assez intéressante, c'est l'aspect mathématique de la chose. Quoi. Oui. Mais en tout cas, moi, je suis ici pour... Enfin, vous faites une manifestation, vous venez devant l'ONEM, c'est tout à fait normal. Symboliquement, nous sommes une institution qui est tout à fait impliquée dans l'application de ces procédures. Mais comme vous le savez aussi, nous sommes une administration. Donc vos revendications, que je peux comprendre, sont des revendications de nature politique. Et ici, vous êtes dans une administration qui est justement chargée d'appliquer cette réglementation. Donc vous ne pouvez pas nous demander, donc nous vous recevons, nous sommes là pour vous écouter. Nous pouvons très bien faire passer un message auprès de nos responsables politiques, mais n'attendez pas de nous qu'en tant qu'administration, nous signions des documents, et donc ça, je ne ferai pas. Mais vous ne contestez quand même pas ces chiffres. Ce sont les chiffres qui viennent de vos services, qui disent qu'il y a effectivement plus de 400 000 demandeurs d'emploi, alors que les services régionaux... Mes services donnent les chiffres des chômeurs indemnisés, qui sont effectivement dans ces environs-là, que vous trouvez sur notre site. Donc ça, ce sont nos chiffres pour lesquels nous, on peut effectivement confirmer qu'il y a des... C'est pour ça que c'est pas un document politique. Absolument pas. Je ne veux pas, en tout cas, signer quoi que ce soit. Vous devez me comprendre, je suis un fonctionnaire, je ne suis pas un politicien. Donc je suis chargé d'appliquer la réglementation. Vous ne me demandez pas de signer un document, comme j'ai vu dans certains de vos communiqués, où on vous dit que cette loi n'a pas de sens. Donc je ne peux pas signer un tel document, je suis fonctionnaire. Vous pouvez rayer la phrase si elle vous dérange. Vous pouvez rayer la phrase si elle vous dérange. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le... Je ne signe pas de document, on vous reçoit, on vous accueille, on va répercuter effectivement vos remarques, si vous en avez des complémentaires auprès de nos responsables politiques, mais n'attendez pas que je signe un document. D'accord, mais pour la faire du coup dans ce sens-là, je veux dire, enfin, qu'on soit d'accord sur la base minimale, vous savez, vous connaissez comme tout le monde qui s'intéresse à cette question-là, qu'il n'y a pas d'emploi pour tous les chômeurs. Je ne suis pas compétent. En matière de gestion des offres d'emploi, c'est la compétence des régions. D'accord. Donc, nous sommes compétents pour l'application de la réglementation du chômage et nous fournissons des chiffres en rapport avec la réglementation du chômage. Je ne peux pas aller plus loin. Et ces chiffres, vous ne pouvez pas non plus les commenter, ça on l'entend bien, mais vous pouvez au moins les donner ici. Donc, les chiffres en question, c'est le nombre de demandeurs d'emploi en Belgique, au niveau général, et le nombre d'offres d'emploi. Ces chiffres, vous les avez. Vous les diffusez sur votre site internet eux-mêmes. Donc vous pouvez très bien ici dire il y a X milliers d'offres d'emploi pour X milliers, X centaines de milliers de chômeurs. Je peux vous dire il y a X milliers de chômeurs, ce sont les chiffres que nous publions. Le reste, ce n'est pas notre compétence. Mais c'est exactement ce qu'on vous demande, c'est juste dire ça. Ce chiffre, vous avez les communiqués de presse, vous pouvez les utiliser, donc tous les mois ils paraissent. Mais on demande justement d'avoir accès. On demande d'avoir accès à ça. Autant d'offres d'emploi pour autant de demandeurs d'emploi. Je n'entre pas dans cette discussion parce que ça n'est pas votre domaine de compétence. Non, mais donc en fait, on peut faire le rapport mathématique. Vous vous exprimez sur cette question. Vous l'interdisez ou on peut faire juste un rapport mathématique. Je m'interdis d'entrer dans une discussion politique et je m'interdis de me prononcer sur des compétences qui ne sont pas les nôtres. Tu permets. Donc en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, et c'était bien la chose que, à titre personnel, je voulais voir émerger, c'était que l'énoncé d'une série de faits chiffrés, donc sur base de chiffres non contestés, un énoncé comme ça, tout simple, brut, de décoffrage, comme on dit, est un énoncé politique. Je dis simplement, je ne me prononce pas sur une partie de la question. Je n'ai pas de problème pour la partie nombre de chômeurs indemnisés. Nous sommes compétents pour ça. Je ne peux pas me prononcer sur les offres d'emploi. Et là, c'est qu'est-ce que vous entendez par vous prononcer ? Vous ne connaissez pas les chiffres, vous n'en connaissez pas la teneur. Je ne veux pas entrer dans une discussion là-dessus. Vous ne dites absolument rien. Je ne veux pas entrer dans une discussion là-dessus. Ça n'est pas notre compétence, la gestion du marché de l'emploi. Ce que monsieur veut dire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les causes et les conséquences. Je ne dis pas ça, je dis chacun ses responsabilités. N'attendez pas de moi que je dise quelque chose qui ne relève pas de mes compétences. Je suis un fonctionnaire, je ne peux pas prendre de position politique. Je suis un fonctionnaire fédéral qui peut se prononcer sur le nombre de chômeurs indemnisés, mais pas sur les offres d'emploi. Mais vous savez personnellement quand même le nombre d'emplois qui sont là. Enfin, je veux dire, je ne vous demande pas de les citer, mais vous les connaissez. Vous le connaissez, ce chiffre, approximativement. Je veux dire, c'est lié. Je n'entre pas dans une discussion. Bon, et ces chiffres, ça, je pense que c'est bien. Pourquoi vous le recevez alors ? Ça mérite d'être simple et clair. C'est très clair. Nous voyons comme vous certains chiffres sur leur site, etc. aussi, mais ce n'est pas notre compétence. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, c'est chez eux. Mais bon, enfin, à partir d'un moment, avoir donc, des gens qui recherchent une chose spécifique d'autres qui offrent cette chose spécifique, c'est un peu normal de les mettre en relation. C'est quand même assez étonnant que vous refusiez strictement de faire n'importe quelle relation qui en fait est évidente pour peu qu'on cherche un tout petit peu. Et par ailleurs, ces chiffres, vous les connaissez. Vous le savez très bien. Je n'entre pas dans une situation. Voilà. Ben voilà, voilà. Ben voilà, ben merci. Merci. C'est ça qui est sur ça. C'est ça qui est pas. D'accord. Monsieur Carlen, c'est un fonctionnaire qui ne veut pas se prononcer sur ce sujet. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que nous ne sommes pas à la bonne place. Nous sommes à la place de l'ONEM, c'est-à-dire au niveau. On doit aller avec Thiris en fait. Ah bah alors, Thiris alors. Parce que lui, il veut bien donner le nombre de chômeurs. Voilà. Il ne veut pas mettre en relation avec le nombre d'offres d'emploi. Voilà, s'il vous plaît. Il ne veut pas mettre en relation avec le nombre d'offres d'emploi, ça c'est avec Thiris et aux régions de le faire. Madame, cependant, je vous suggère d'aller voir. Camarade syndiqué. Polonais. Bon, j'étais pas tout seul là, je sais pas où ils sont les autres. Voilà, comme prévu. Ah oui, alors je vous ai pas dit, au PS, on est rentré. Alors c'était vraiment. On a l'impression qu'on est des poseurs de bombes, quoi. Il y avait 5 flics anti-émeute pour 6 personnes. Et ici aussi, 5 flics anti-émeute pour 5 personnes, avec leur casque et tout là, les boucliers. Voilà, je sais pas, ils avaient peur de voix de feu, allez savoir quoi. Pourtant, je suis quelqu'un de très gentil, vous aussi, je sais. Donc, on a envie de leur faire des guili-guili, quoi. Donc, monsieur Carlens nous a reçus, et ce qu'en substance il nous a dit, c'est que. Alors, mais dans le genre, je ne dis pas un mot de plus. Qu'est-ce que je m'autorise à dire? Alors c'est vraiment une merveille. Il y a approximativement 425 000 demandeurs de chômeurs complets indemnisés en Belgique. À la question, donc vous connaissez qu'il y a approximativement 40 000 offres d'emploi. Je ne peux pas me prononcer sur des chiffres qui ne sont pas sur le ressort, du ressort de mon administration. Times, terminé. Et il nous a dit cette chose extrêmement intéressante. En lisant ce document, il l'a considéré comme un document politique. Donc, l'énoncé de deux chiffres, une mathématique simple, donc une soustraction, et la conséquence tout aussi mathématique qui reste 380 000 chômeurs, c'est une chose qui est considérée par le NEM, comme, pas seulement par eux d'ailleurs, par un document politique. Donc, les gars et les filles, on a appris une chose vachement importante aujourd'hui, c'est que c'est une chose qu'il ne faut pas dire. Voilà, c'est QFD. Bon, voilà, après, comme il ne va pas la signer, on ne doit pas revenir. Enfin, on peut revenir hein, aussi, mais pas pour venir chercher la lettre. Sur le coup, moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur tout ça, qui a envie de s'exprimer, ou de passer, de chanter, je ne sais pas. Abdel. La parole libre, on en a un.